Le point commun entre mon sourire et ma boîte à choses, c'est que les deux chèques à beaucoup de choses. Première partie carrière en dents de scie, beaucoup de bas, beaucoup de pauses. Je partirais bien mieux que je suis arrivé. Mes jeans sont déchirés comme les Hallyday. La daronne pratique des rapports tarifés. Putain de merde, il manque une phase en AIT. Pour mes détruits consommateurs de chambre, qui se butent sur mes sons du fond de leur cellule. Tu peux enfermer de la fumée dans une chambre, elle sortira même par le trou de la serrure. Les potes de mes potes ne sont pas les miens, les lovés de tes proches ne sont pas les tiens. Ma chérie, tous les hommes ne sont pas des chiens. C'est juste que sur tout est top, on voit tes seins. Conscient de ma valeur, donc je te donne pas l'heure. On te baisse ta mère pour un lopin de terre. Avec des couilles, t'es un bon bagarreur. Avec des housses, tu deviens un chef de guerre. Marque au journaleux en poil de cul. Interview qui sonne comme audition de keuf. 2K19, je ne vous parle plus. Je communique en livre, en litre, on peut. C'est toi qui la sort, c'est avec nous qu'elle rentre à l'arrière du bolide. Je sais pas c'est quoi vos rapports, mais c'est moi qu'elle cite quand on lui demande sa douleur favorite. Reconnu au Carrefour Marquez, reconnu au plus, reconnu au poste de police. Je suis avec... Y'a ce qu'il faut sous le siège pour faire bégayer l'orthophoniste. Bang, bang, bébé, bang. C'est tout pour le gégé gang. C'est dans le sale con, bébé, bang. Je me congestionne, je me gégé gang. Moi c'est D-O-D-S-S-E-H, toi t'es qu'un F-I-L-S de l'âge. Je suis le parfait amant, mais le mauvais genre. Car je suis un bien trop grossier personnage. Bitch, je vais même pas te complimenter sur ton huc. Je suis pas juste un big up à ton chirurgien. Je vais te casser le dos, pas y casser du sucre. Le monde est à moi comme j'y suis bien stupin. Je t'ai déjà dit, sors la famille du piège. Qu'importe qui, où ce que je dois rançonner. On regrette jamais d'avoir été patient. On regrette toujours d'avoir abandonné. Cherche un lien pour télécharger de l'argent. Il n'y aura pas un manque de vision évident. Je vois des millionnaires parler de taille en boîte. Comme si c'était un putain d'aboutissement. Mais même le leur vit plus bas lourdement boîte. Je peux te poser un magnum, y'a rien de méchant. Comprends-moi si le game j'en ai rien à battre. Le sage, j'ai rien à voir avec ces gens. Vrai Renoir, énervé, puissant. Je m'implante, The SP, comme un SRV. 850, Subby, pas de SAV. Si le client n'est pas content, what should be, si tu savais à quel point j'ai pas ton temps. L'Ocito, j'en sabrais les têtes et les veuves clicots. Y'a pas si longtemps, je me cherchais une cagoule, crois-moi que c'était pas pour entrer dans un club échangiste incognito. Je me dors la pilule du Américo, rajoute du glaçon dans mon mojito. Soit je gagne, soit tu perds, comme on dit c'est kiff kiff burrito. Okay.